année, c'était reparti. On a su à niche nos chics, ayez nos battements, nos glyphiques. Venez les vivre, vos stress aidés, à ce on est dans les premiers. Et on est un Edmossigan qui crie autour de nos terrains. Charles Héroé, les biens derbis.